It's Stargain on that shit from the pyramid. Petits enrichissent les grands. Poche remplie pour nos dirigeants. Est-ce que voter est intelligent? Ici le respect se gagne avec du cran. Les principes se perdent, y'a plus de petits, de grands. Tout ce qu'on entreprend au final nous surprend. On est taxé, exploité la plupart du temps. Et on se résigne à nos petites vies merdiques. 2 mois de vacances en touchant moins d'un smic. Et ma tête tourne pour ça, pas besoin d'un stick. On se fait baiser poster ouais, car ils ont la trique. Et quand on se révolte, ils nous envoient leurs flics. Dur de sortir du cercle infernal de la street. Ils préfèrent qu'on se taise avec un grec du shit. Mis à l'écart paré surpeuplé dans des briques. Ils s'étonnent que ça pète, mais la suite est logique. Dans nos têtes, on cogite dans nos petits logis. Les fins de mois sont très durs, vend la douce au Yankee. Pas de quoi s'acheter du vrai plein direction Kikli. Les fins de mois sont très durs. Bon la douce au Yankee. Pas de quoi s'acheter du vrai plein, donc direction clic clic. La monnaie dirige les gens. La monnaie dirige les gens. La monnaie dirige les gens. La monnaie dirige les gens. La monnaie, la monnaie, dirige le monde. La monnaie, abonné à la pénombre. Je la connais, on se cognait, quel que soit le nombre. Zigzag entre les décombres. La monnaie, dirige le monde. Abonné, abonné à la pénombre. Je la connais, on se cognait, quel que soit le nombre. Zigzag entre les décombres. Puis-je maintenant que je suis sur cette planète, je vis en décalé, c'est dur de dans ce paraître. Tu vends pas tu m'en vois en bas des barrettes. J'ai préféré finir au stade sous leur palette. Mon mal-être me malmène, j'essaye mais j'arrête. Les larmes dans les yeux de ma reine. Je ris mais au fond je marronne. Loi d'elle frère ce n'est pas pareil. Jour après jour je vois ma fille grandir. J'ai peur pour les autres, je suis capable du pire. Je rentre pas dans leur jeu si c'est pour rien qu'ils tirent. Je suis parti loin, j'ai une vie à bâtir. Stargate on that shit from the pyramid.